الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. الله عز وجل il nous enjoint de suivre le chemin de ceux qui retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui aiment Allah azza wa jal comme il se doit. Et de là on a été amené à parler de ce groupe qui est le groupe sauvé, ces gens qu'on doit suivre, cette jama'a qu'on doit ici prendre comme exemple quelque part, et dont on doit s'accrocher à eux. On avait parlé de ce groupe sauvé qui est Ahl sunnati wal jama'a, c'est-à-dire هؤلاء الذين يتمسكون بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويجتمعون حول هذه السنة المباركة. Donc on avait dit que c'est ceux qui se sont accrochés ou qui s'accrochent fermement à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et qui se réunissent autour de cette sunna. On a parlé ici de ce terme أهل السنة والجماعة. On a parlé de la sunna et l'origine de ce mot qui est la sunna. Et on a vu à travers les textes coraniques et les textes prophétiques que ce terme a une origine et qu'on se doit, nous musulmans, musulmanes, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam si on veut réussir ici-bas et dans le delà. Et il suffit de rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est rapporté par At-Tabarani bi sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je n'ai pas laissé une chose qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sans ici... où il n'y a pas une chose qui vous rapproche d'Allah Azza wa Jal sans que je vous l'ai montré. Et il n'y a pas une chose qui vous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que je vous y ai mis garde, sans que je vous ai yani, recommandé ou interdit, ou plutôt ordonné de vous en écarter. Donc tout a été apporté par le prophète alayhi salatu wassalam, mentionné par le prophète alayhi salatu wassalam, rappelé par le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas besoin de rajouter, comme on l'a dit plus d'une fois, yani, je vois, je pense, je crois, à mon avis, non. Tout est expliqué clairement dans le Coran et dans la sunna bi fahmi salaf al-umma. Donc l'importance de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle a été clarifiée dans le Coran et dans la sunna même du prophète alayhi salatu wassalam. Al-jama'a, on en a parlé longuement, et on a rapporté ici l'origine de ce terme al-jama'a, et on a rappelé combien de fois Allah ici a montré l'importance de al-jama'a, ou combien Allah azza wa jalla a montré l'importance de al-jama'a, le groupe, dans le Coran et dans la sunna aussi. À titre d'exemple, rapporté par Abu Daoud, et on avait cité ce hadith-là, authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ma communauté ou cette communauté va se séparer en 73 parties, tous en enfer, illa wahida, sauf une, hiya al-jama'a. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est le groupe. D'accord? C'est le groupe. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il a parlé de ce groupe sauvé, il a dit: ce sont ceux qui vont suivre ma voix, la voix du prophète, et la voix de sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. نواصل مع هذه الطائفة avec ce groupe sauvé. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام en a parlé, Allah en a parlé, et des compagnons aussi. Et les compagnons en ont parlé. À titre d'exemple, il y a Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنه وعن أبيه, quand il a expliqué le verset coranique où Allah سبحانه وتعالى a dit: يوم تبيض وجوه, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Le jour où ici il y aura des visages illuminés. Et le jour où il y aura des visages aussi assombris. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi a dit: fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa ahlu sunnati wal jamaa'a wa amma alladhina swaddat wujuhuhum fa ahlu al bid'i wad dalal. Abdullah ibn Abbas, il a expliqué le verset coranique, ou il a commenté le verset coranique où Allah azza wa jalla dit: le jour où il y aura des visages illuminés et il y aura des visages assombris. Il dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma: ici, concernant les visages illuminés, ce sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et concernant les visages assombris, ce sont Ahlul Bid'i wal Dalal. Ce sont les gens de l'innovation et de l'égarement, wal'iyadhu billah. Donc, l'importance de s'accrocher ici au groupe de Ahlus Sunnati wal Jama'a, d'après les paroles de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, turjuman al-Qur'an, ces gens-là qui se sont accrochés à ce groupe, qui est le groupe sauvé, auront le visage, incha'Allah ta'ala, illuminé au jour de la résurrection. Contrairement aux autres personnes, même s'ils se disent musulmans, même s'ils prient, ils auront le visage assombri. Et pourquoi pas? Alors qu'on retrouve ici des termes qui vont dans ce sens dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam rappelle qu'au jour de la résurrection, ici des gens vont rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam auprès de son bassin al-hawd, le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam reconnaîtra les gens de sa communauté, dû à quoi? Par la cause de la trace des ablutions. D'accord? La cause de la trace des ablutions. Il les reconnaîtra ici par des traces blanches qui auront été dues à les ablutions répétées lors de leur vivant. Et il y aura des gens qui auront des traces d'ablutions aussi, qui vont venir vers le prophète alayhi salatu wassalam, mais ici il leur sera dit de s'éloigner. Et le prophète alayhi salatu wassalam dira, mais c'est ma communauté, et il lui sera dit, ce sont des gens, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ce qu'ils ont innové après toi. Ah, là on parle de qui? Ahlul bid'i wa dalal. Même s'il dit, yani moi je suis musulman, je fais la prière, ahlul bid'i wa dalal, kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Et le prophète Hassan dira suhqan, suhqan. Il dira ici de s'éloigner à ces gens-là, de s'éloigner de lui, et il parlera des gens qui ont quoi? Ce qu'ils auront innové. Ils auront innové dans la religion qui est complète et parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam va s'éloigner, voudra s'éloigner de ces gens-là, alors qu'ils voudront ici boire de ce bassin qui est le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous disons, si vous voulez pas être parmi les perdants ici-bas et dans le delà, si vous voulez pas avoir le visage assombri, adhérez à ce groupe qui est le groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. Et on en a parlé longuement de la Sunna et de Al-Jama'a. Comment reconnaître ces gens-là maintenant? Comment reconnaître ces gens-là au jour d'aujourd'hui avec des paroles claires, concrètes, ici des gens de science? On va voir ici qu'est-ce qu'on dit les gens de science sur ce groupe-là. On prend d'abord la parole de Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Dans Majmou' al-Fatawa d'Ibn Baz, volume 8, page 180, il dit, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, il dit, les membres du groupe sauvé sont, c'est qui? Écoutez bien. Ce sont ceux qui appellent les autres à suivre le Coran et la Sunna. D'accord? Ce sont les gens qui appellent les autres personnes à suivre, c'est pas les innovations, non. Le Coran et la Sunna. Et il dit, rahimahullah ta'ala, peu importe que les uns soient ici et les autres soient là-bas, puisqu'ils sont animés de la même foi et poursuivent le même objectif. Al-Qur'an, Kitabullah Azza wa Jal, et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit peu importe, d'accord? À partir du moment où ils sont animés de la même foi et poursuivent le même objectif. Le fait que les uns les appellent, et il donne des exemples, des groupes qui prennent des appellations. Ansar al-Sunna, ou les autres, les frères musulmans, ou les autres, un tel, ne leur nuit en rien. D'accord? Donc il rappelle ici, le plus important, ce n'est pas le nom. Ah, c'est qui le dit? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et il dit, ici l'important étant leur foi et leurs actions. C'est Cheikh Ibn Baz, volume 8, page 181. Il dit, le plus important, c'est leur foi, al-Iman. Ah, pas que al-Iman. Ah, leur foi et leurs actions. Car les actions font partie de l'Iman. Al-Iman, qawlun bil-lisan, wa atiqadun bil-janan, wal-amal bil-jawarih wal-arkan. هذا هو الايمان ويزيد بطاعه الله وينقص بالمعاصي. Et la foi elle augmente de par la cause des actes d'obéissance et elle diminue par la cause des actes de désobéissance. Ah, ce qui nous importe c'est quoi? Leur foi et leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Dis-moi je m'appelle tant ou je suis tel groupe. Non, tes actions, tes paroles, ta aqida, ton minhaj, tes... Donc c'est ça qui nous importe. D'accord? Il poursuit, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. S'il reste fidèle à la vérité et à la foi en l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, et sincère à l'égard d'Allah et loyaux à l'égard de son messager alayhi salatu wassalam, aussi bien dans leur foi et leurs actes que dans leurs propos, à ce moment-là, la diversité de leurs noms ne leur nuit point. Cependant, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Peu importe que les uns s'appellent, ils répètent. Que peu importe que les uns s'appellent Ansar al-Sunnah, ou bien les autres salafis, ou bien les autres frères musulmans, ou autres. L'essentiel, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'essentiel est qu'ils restent véridiques et observent la vérité qui consiste à suivre le livre d'Allah et la Sunna du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, à les appliquer et à leur rester fidèles, aussi bien dans la foi que dans les actes et paroles. Ah, aussi bien que dans la foi que dans les actes et que les paroles, faut que ça suive. C'est pas comme certains disent, non, nous ici, alhamdoulilah, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khlas. Même si tu fais des bonnes actions ou des mauvaises actions, ça ne fera ni augmenter ta foi ni diminuer ta foi. Non. On a expliqué c'est quoi? Al-Iman chez les gens de Al-Sunnati wal-Jama'a. Clair? Si cette communauté commet une erreur, les gens de science doivent attirer son attention là-dessus et l'orienter vers la vérité clairement établie. Ça c'est clair. Si quelqu'un voit un munkar, voit une erreur, donc il doit lui indiquer son erreur. D'accord? C'est pas, il doit le manger, le dévorer, manger son sang, sa chair, le... Non. C'est-à-dire, il le montre avec avec comportement, avec bienséance, avec sagesse et avec une intention sincère et en voulant le bien pour son frère et en détestant de faire à son frère ce que tu détesterais qu'on te fasse à toi-même. Il dit, rahimahullah ta'ala, nous devons certes coopérer dans le bien et la piété. On doit certes coopérer dans le bien et la piété et traiter nos problèmes sur la base de la science, l'ilm, de la sagesse et d'une bonne approche. D'accord? C'est-à-dire quand tu rentres dans le conflit avec un frère, tu n'es pas d'accord ici dans un sujet avec un frère, que ce soit al-fiqh ou bien al-aqida. D'accord? Donc tu dois parler, débattre avec science, avec une bonne approche, avec sagesse. C'est-à-dire savoir comment ici discuter avec ton frère, comment ici prendre contact avec ton frère, comment approcher ce frère-là, et quand tu parles avec ilm. C'est pas tu parles derrière le dos, alors tu dis à un tel ou tu fais des copier-coller ou tu veux scandaliser. Non, si t'as pas de science et t'es pas au niveau de parler devant la personne, ici tais-toi. Et vaut mieux que tu restes tranquille. Et vaut mieux que tu restes à ta place. Et beaucoup de gens, on les entend parler de jour comme de nuit, faire des copier-coller via internet. Voilà, quand ils parlent devant toi, tu te rends compte qu'ils ne savent même pas faire les ablutions comme il se doit. Et je n'exagère pas et je ne dis pas ça et je répète pas ces paroles comme un perroquet. Parce que certains disent, oui, vous répétez les mêmes choses, oui, il sait pas réciter surat al-Fatiha comme il se doit, il sait pas faire les ablutions comme... C'est une réalité, je l'ai vu plusieurs fois. Et combien de gens, fawarab bil ka'ba, rentrent dans des sujets, et quand je parle avec eux, et je me rappelle encore d'un frère que j'avais devant moi, et qui s'était égaré pendant un an et demi, qui venait plus au cours, parce que soi-disant on était des gens égarés, et au bout d'un an et demi, quand il est revenu à mes cours, quand je lui ai posé une seule question, quand est né le prophète alayhi salatu wassalam? Je sais pas. Non, au moins le mois, la divergence, au moins. Allahu alam. Et pendant un an et demi, tu disais, oui, on est égaré, on est ceci. Et là, maintenant, tellement qu'ils sont dans le shubuhat, là, je prends l'exemple de ce frère-là, miskin hadahullah. Ici, il est resté pendant les cours, ensuite, il est reparti. Et il est reparti, il revenait plus au cours. C'est des gens, miskin, remplis de shubuhat. Pourquoi ils sont pas clairs? Et le minhaj de al-sunnati wal-jama'a, c'est un minhaj clair, ayu al-ahibba. Et les croyants ne doivent pas être comme des feuilles emportées par n'importe quel vent qui vient. Non, on doit être ferme comme des montagnes, bi-idni rabbil ardi wa-sama. On doit être ferme. C'est pas n'importe qui vient nous faire entrer des choubouades. Oh bah oui, t'as raison. Oh, t'as pas raison. Oh, et tu verras ces gens-là qui ne cessent de tourner en rond. Et, wazayyana lahum shaytan, ou a'malahum shaytan leur embellit leurs actions. Ils croient être dans le bien. Fawarab bil ka'ba, la preuve qu'ils sont dans le batil. Au bout de 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, quand tu rentres avec lui dans des conversations religieuses, scientifiques, religieusement parlées, tu verras qu'il a très peu de science. Et il n'arrive pas à sortir de, Cheikh Intel a dit. Et même quand tu vas voir cette personne-là parler avec des sectes qui sont vraiment des sectes égarées dans l'aqida ou autre, il ne saura dire que Cheikh Ibn Baz a dit que vous êtes égaré, Cheikh Al-Uthaymin a dit que vous êtes égaré, les savants ont dit que vous êtes égaré. Ça, ce n'est pas de la science, Akhil Habib. Ça, ce n'est pas du tout de la science. Qui tu veux convaincre? Même c'est un danger pour toi si tu vas parler avec une personne d'une secte égarée avec des paroles comme ça, parce que lui, il va avoir plus de science dans son sujet, dans son domaine. Que toi, il va te faire rentrer shubuhat, des ambiguïtés dans toi, peut-être toi tu vas t'égarer. Donc ça, c'est pas de la science. Non. C'est de prendre tous les arguments, ou la majeure partie des arguments de Cheikh Ibn Baz, et de Cheikh Al-Uthaymin, et de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et d'Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, et de l'imam Al-Shatibi par exemple, et de l'imam Ahmed, et de... C'est leurs arguments. Ah, tu les as étudiés, et tu parles avec ces arguments-là. Et quand lui, il en vient à dire, oui, mais nous, nos savants, ils ont dit ça, toi tu dis, eh ben nous, nos savants, ils ont dit ça. Là, c'est en deuxième étape. Là, khalas, tu parles de savants. Nous aussi, alhamdoulilah, on suit des savants. Et qui sont reconnus par les gens de science comme étant des gens de science. Et sors les noms, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est une fierté et tu dois le faire. Pour appuyer ici tes convictions et tes arguments plutôt ici. Il n'y a pas de souci. Mais ça, ça vient en deuxième plan. Tu vas pas dire à une personne, mais tu vas avancer dans quoi? Lui, il n'est pas d'accord avec ces noms-là. Il n'est pas d'accord avec ces savants-là. Donc ça, c'est une preuve qu'ils ont peu de science. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes égarées souvent à certains frères. Ils les invitent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oui, non, nous, on n'a pas le droit de parler avec les gens des sectes égarés parce que tu dois pas perdre ton temps avec eux et tu... Dans certains cas, oui, ça c'est une réalité. Mais dans d'autres cas, il faut débattre avec eux. Si, ici, tu détiens ce que tu prétends, sinon tu es un menteur, tais-toi. Donc, dans ces cas-là, on te dit, ne débat pas avec eux. C'est-à-dire, de jour comme de nuit, tu dis oui, non, l'ilm, l'importance de l'ilm. Non, nous, on est dans le haqq, on est... Donc, tu prétends avoir de la science. Quand il faut débattre, va débattre, mon frère. Va défendre la vérité si tu sais que cette personne, elle peut égarer des gens qui sont nouveaux dans la religion. Non, débat. Ah, mais je peux pas, j'ai pas assez de science. Bah, tais-toi. Pourquoi tu cries sur les toits l'ilm? T'as quoi de l'ilm? Donc, vaut mieux, sois discret et mets en application. D'accord? Le terme ilm, mets-le en application. Mais arrête ici de te montrer devant les gens, je connais, sortir des noms de machair, de chouyur, de savants, etc. Et après, quand les gens vont te dire, bon, toi, tu nous parles beaucoup de ces savants-là, tu dois avoir un niveau. Tiens, il y a le frère qui est venu, il c'est une secte égarée. Va te débattre avec lui, nous, on n'a pas de science. Ah, ils vont voir que tu commences à, je préfère pas, il faut pas débattre avec eux. Lui, il va venir te provoquer, va rentrer avec toi dans le djidel. Ah, ils vont voir que, il est en train de, te découper en morceaux. Ici, tu penses avoir fait le bien à travers ta vantardise quelque part. Mais tu as fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce que les gens comptaient sur toi. Tu as montré de l'artifice. Et les gens ici, ils ont vu que peut-être c'est l'autre personne qui est sur la vérité. Dû à quoi? Pas parce qu'il détient la vérité, mais à cause de ton manque de science. Donc nous disons, ici on doit débattre avec les gens quand ils sont égarés. Si on a la science, si on a les capacités, et avec une bonne approche et avec sagesse. Sinon, tais-toi et écarte-toi, mais tais-toi depuis le début, même avant que tu rencontres la personne qui est égarée. Ne te vante pas et ne te glorifie pas et arrête de jouer au savant en sortant des noms de savants et à critiquer tout le monde en croyant que toi tu as la meilleure des sciences entre les mains et la plus grande des sciences alors que tu n'as que très peu de sciences. Wallahu musta'an. Il dit, nous devons certes coopérer dans le bien et la piété et traiter nos problèmes sur la base de la science. Cheikh Ibn Baz qui le dit. La sagesse et le hikmah est une bonne approche. Une bonne approche. Quant à quelconque de ces groupes ou d'autres commet une erreur en matière de doctrine, aqida, ou par rapport aux prescriptions ou proscriptions divines, on doit lui adresser un rappel à l'ordre étayé par des arguments religieux administrés avec douceur et sagesse. Regardez, al-ilm. On n'entend que ces paroles. Hikmah, douceur, sagesse, ilm, douceur, sagesse, bonne approche, ilm. Ça, c'est al-ilm al-shar'i ayyuhal ahibba. Ça, c'est des gens de science qui ont bien compris la religion. Ça, c'est pas les égarés ayol ahibba qui ne cessent d'aboyer et qui n'appliquent que très peu de ce qu'ils disent. Regardez les gens de science, on retrouve toujours ces paroles douceur, bonne approche, sagesse, science. C'est ce qu'on veut ayol ahibba. Et c'est ce qui fait vivre al-iman. Et c'est ce qui fait vivre ayol ikhwat wal akhawat, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, comme il se doit, par la permission d'Allah azza wa jal. Et il dit, rahimahullah ta'ala, on doit lui adresser un rappel à l'ordre étayé par des arguments religieux, administrés avec douceur, sagesse dans le cadre d'une bonne approche, afin qu'il revienne à la vérité, l'admette et n'en s'écarte plus. Voilà le devoir des adeptes de l'islam. Ils doivent s'entraider dans le bien et la piété, échanger de bons conseils, éviter de se rejeter mutuellement, de sorte à encourager ici les ennemis à les attaquer. Parce que quand déjà tu t'approches, ou tu agis avec bonne approche, avec douceur avec une personne, ici déjà, khlas, il est prêt à t'écouter. Quelque part, il est prêt à t'écouter. Même s'il n'est pas prêt à t'écouter à 100%, il est convaincu de son égarement, mais au moins, khlas, il va au moins prêter quand même attention un minimum. Parce que quoi, tu as commencé à gagner un peu son cœur quand même. Alhamdulillah. Tu es venu avec un sourire. Tu lui dis, masha'Allah, nous, on recherche tous la vérité. Donc ici, il n'y a pas de problème, mon frère. Barakallahu fik. Tu parles, tu apportes tes arguments, j'apporte mes arguments. Déjà, alhamdulillah. Ici, est-ce que ça va être mieux que de rester ici sur ses gardes en disant, moi, je te parle pas, toi, tu es un égaré, tu es une secte, point. À la ligne, on arrête là. Non. Ici, la bonne approche, la douceur, la sagesse. Et en général, ceux qui n'agissent pas comme ça, je dis bien, en général, chez beaucoup de jeunes qui ne cessent de parler de jour comme de nuit sur les tendances, de jour comme de nuit, que ça, ils parlent que de ça. Oui, ça c'est une secte égarée, ça c'est une tendance, ça c'est une... De jour comme de nuit. En général, chez ces gens-là, tu verras qu'ils n'osent jamais rentrer dans la discussion avec ces personnes de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'ils viennent avec douceur et bonne approche, et avec sagesse, khlas, il est obligé maintenant de quoi? D'apporter des arguments. Parce que l'autre va en apporter des arguments. Il a tellement peur qu'il veut même pas rentrer avec cette approche-là, ou ici, prendre un contact avec lui de cette approche-là, parce qu'il dit, maintenant je suis obligé de rentrer avec des preuves. Et lui, il va me parler avec des preuves. Donc il dit tout de suite, non, on n'a pas le droit de parler avec eux. Souvent c'est de la peur. Je dis, en général, chez les jeunes ou certaines personnes qui ne cessent de parler de tendance et de secte de jour comme de nuit. Il fait, il y a une de sa religion, la principale chose. Parler et mettre en garde. Ça, je parle de cela. En général, chez cela, ou là, vous verrez, c'est ça. Mais amma, celui qui est raffermi, qui a de la science et de la bonne compréhension, wallahi, n'importe quelle personne qui vient, il va dire marhaban bik. Marhaban bik. Je ne dis pas attention. Je ne dis pas à tout le monde d'aller parler comme ça. Si tu as de la science dans le sujet que tu vas traiter avec lui, ou dans l'aqida, où tu vas rentrer dans le jidal avec eux dans l'asma wa sifat, et que tu vas, et ici, tu as des convictions, tu as de la science, tu as de la sagesse, voilà, il va dire, y a pas de problème, mon frère, barakallahu fik, tu es musulman, tu prétends être musulman dans le groupe de Ahl-Sunnah al-Jama'a, pas de problème, moi aussi, on débat avec sagesse. Déjà, le frère, il va dire, mashallah, barakallahu fik. Soit c'est une personne qui a pas de chance, il va prendre la fuite. Ou soit c'est une personne qui a de la science, il va dire d'accord, il apporte ses arguments, toi tu es convaincu, tu apportes tes arguments, et ربما, inshallah ta'ala, si ton intention est sincère, si tu as un certain niveau de science, wallahi bi'idnillah azza wa jal, il changera. Si c'est pas demain, c'est après-demain, c'est pas après-demain, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, en tout cas, t'as tiré ta responsabilité bi'hawlillah azza wa jal. Donc, ça c'est une chose qui nous est demandée en islam, et ça, c'est le groupe de al-sunnati wal-jama'a. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent fermement à la sunna, fermement au Coran, et ici, bifam isalafil umma, avec la compréhension des ancêtres pieux, peu importe qui s'appelle je ne sais comment, non, c'est on regarde les actions, on regarde le comportement, on regarde leur façon d'agir, on regarde leur minhaj, on regarde, peu importe quel nom ils ont. C'est pas parce qu'il a un nom, ça est un égaré, l'autre il a un nom salafi, c'est il est au paradis. Ou l'autre il a un nom tabliri, il est au paradis. L'autre il a un nom ikhwani, il est sur la vérité. Non, on regarde ici, les actions. Comment ils ont prouvé ici qu'il faisait partie du groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a, c'est ce qui nous intéresse. C'est comme il a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, quand il parle et débatte avec les gens, avec douceur, sagesse et une bonne approche et ilm. Ça c'est les critères des gens de Al-Sunnati wal-Jama'a. Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, il dit dans le livre, qui est en arabe et en français, ici concernant les fatawa, arkanul islam, les piliers de l'islam, les fatawa ou fatwa sur les piliers de l'islam, de Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, que vous pouvez retrouver en français, vous regardez le chapitre du dogme, Al-Aqida. Le chapitre du dogme, il dit, les principales qualités du groupe sauvé sont, les principales, ce n'est pas toutes les caractéristiques, d'accord? Ou toutes les qualités. Non, les principales qualités du groupe sauvé sont 4. D'accord? Les principales qualités qu'ils ont. Il dit, c'est l'attachement qu'ils ont à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? C'est-à-dire, ils suivent le minhaj du prophète alayhi salatu wassalam. Comment a réagi le prophète alayhi salatu wassalam? Comment a compris le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur al-aqida? D'accord? Donc ils réagissent de la même manière que le prophète alayhi salatu wassalam sur al-aqida, sur al-ibadat, sur les adorations, sur al-ibadat, les adorations, sur al-akhlaq, c'est-à-dire tout ce qui concerne les valeurs morales, le comportement, les moralités, et sur les transactions, ou bien al-mu'amalat. Et il dit, ces qualités font donc distinguer ce groupe-là du reste. D'accord? Donc tu vas les reconnaître quant à ces 4 qualités. Est-ce qu'ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam, la voix du prophète alayhi salatu wassalam dans l'aqida? On va en parler. Dans al-ibadat, les actes d'adoration, la prière, le jeûne, etc. Et aussi dans le comportement. Le comportement. C'est pas que simplement l'ibadat ou bien l'aqida. Non, le comportement. Le comportement et aussi les transactions. Il donne un exemple par rapport au commerce. Al-mu'amalat, les relations avec les gens. Il dit, s'agissant de al-aqida, des dogmes du credo. Il dit, ce groupe s'attache aux préceptes du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, notamment le monothéisme pur relatif à la divinité d'Allah azza wa jal, sa seigneurie et ses noms et ses attributs. D'accord? C'est-à-dire concernant tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-asma' wa sifat. D'accord? Il s'accroche à ces types d'unicité, comme c'est accroché à ces 3 unicités, le prophète alayhi salatu wassalam et sahaba radiyallahu anhu wa ardahum. Ça veut dire quoi? Ils comprennent le tawhid comme l'a compris le prophète et les compagnons. Et ils ne sortent pas de cette compréhension. Ils ne diminuent rien à cette compréhension et ne rajoutent rien à cette compréhension. D'accord? C'est-à-dire, ici, ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et qu'Allah azza wa jal n'a pas besoin et n'a pas d'associé. Il n'associe rien et personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans l'adoration, ni dans les invocations, ni dans le sacrifice. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis ma prière, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ, mes actes de dévotion, mes sacrifices, et ici ma vie et ma mort ne sont que pour qui? Que pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Allah fait qu'il t'arrive à mal, nul ne peut l'enlever si ce n'est Allah Azza wa Jal. Ils ne vont voir ni charlatan, ni ici sorciers, ni devins. Ils ne placent leur confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils reconnaissent qu'Allah azza wa jal ala kulli shay'in qadir. Il peut toute chose, et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Il n'a besoin de personne, mais les gens et les créatures ont tous besoin de lui. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allah il est unique, Allah c'est l'absolu. Tout le monde a besoin de lui. Allah Azza wa Jal, il a besoin de personne. Et aussi, at-tawhid al-rububiyya, dans la seigneurie, ils reconnaissent que les causes, al-asbab, la tanfa' wa la tamna', que les causes ici ne t'empêchent, ou alors ici ne te profitent en rien du tout, ou ne te nuisent en rien du tout, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissent que c'est Allah qui donne, c'est Allah le pourvoyeur, c'est Allah azza wa jal le plus riche, c'est Allah azza wa jal ayu al-ahibba, qui donne sa subsistance aux musulmans et aux non-musulmans, à tous les animaux, et que sans la permission d'Allah azza wa jal, et sans la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, sans sa volonté subhanahu wa ta'ala, on ne boirait pas, on ne mangerait pas, que ce soit nous, les musulmans, les non-musulmans, et même les animaux. On a tous besoin d'Allah azza wa jal, et c'est Allah qui donne la subsistance. Amma ton patron, amma ici la personne qui t'a embauché, amma ce commerce que tu as entre les mains, amma cet argent que tu... Tout ça appartient à Allah azza wa jal. Et tous retourneront vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je parle des êtres humains. Kullu man 'alayha fan, et tout ce qui est sur la surface de la terre et voit éphémérité, tout ce qui est matériel, ton argent, ce commerce-là et ces choses-là dans lesquelles ou à lesquelles tu t'attaches, tout ceci est voué à éphémérité concernant le matériel. Et concernant nous, les êtres humains, ton patron et autres, on retournera tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent qui est entre tes mains, al-mal, mal Allah azza wa jal, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toutes ces choses-là que tu vois en face de toi ne sont que des causes. Et que si Allah ne met pas d'effet dans ces causes-là, wallahi, tu ne mangerais pas, tu n'aurais pas d'argent, tu ne t'abreuverais pas, tu n'étancherais pas ta soif, c'est que des causes, ayu al-ahibba. C'est Allah qui donne, c'est Allah le pourvoyeur. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, wa fis sama'i rizqukum, et dans les cieux est votre subsistance. Et dans les cieux est votre subsistance. Certains exégètes ont dit, pourquoi Allah dit wa fis sama'i rizqukum? Car ici, la pluie, elle vient d'où? Elle sort de la terre ou elle vient du ciel? Elle vient du ciel. Wa fis sama'i rizqukum, et sans pluie, comment on boirait? Comment on pourrait ici survivre sans l'eau qu'Allah Azza wa Jal a descendue des cieux? Et c'est qui a descendu cette eau? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a descendu cette eau du ciel, ayu al-ahibba. C'est la preuve que Allah Azza wa Jal vous dit que c'est moi qui vous permet de boire, c'est moi qui vous permet de vous nourrir, c'est moi qui vous permet de vivre. Allah il le rappelle, wa fis sama'i rizqukum. Et certains exégètes ont dit, Allah dit wa fis sama'i rizqukum, dans les cieux et votre subsistance, pour vous rappeler que c'est toutes les causes et les subsistances que vous voyez dans la vie d'ici-bas ou sur la terre ou devant vous dépendent de celui qui est dans les cieux. Allah, et c'est dans les cieux qu'est votre subsistance. C'est-à-dire, elle dépend de celui qui est dans les cieux, au-dessus des sept cieux, établis sur son trône, Allah jalla jalaluhu, Allah azza wa jal. At-tawhid al-asma wa sifat. C'est-à-dire, tu reconnais que tous les noms et tous les attributs cités dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ici sont une réalité. Et tu dois y croire sans ici rentrer dans le dépouillement ou la négation ou dans le comment ou dans l'explication du comment ou dans... Non. Min ghayri at-tahrif wa min ghayri at-ta'wil wa min ghayri at-tashbih. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il ne ressemble en rien à ces créatures. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. D'accord? Donc ici, tu dois reconnaître tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla sans ici rentrer dans des sujets ou alors qui vont te faire noyer. D'accord? Qui vont te noyer. Ou des sujets qui te dépassent. Ou des sujets dont les compagnons n'ont même pas abordé. Comme par exemple. Et vous voyez ici que l'islam, elle est claire. Que l'aqida authentique, elle est claire. Que le groupe sauvé de Al-Sunnati wal-Jama'a, son minhaj, il est clair. Tous les noms dans le Coran et tous les attributs dans le Coran ainsi que dans la Sunna, on y croit. Tout en reconnaissant que Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Mais le nom et l'attribut, on le prend comme tel, on rentre dans aucune explication. C'est clair ou pas? Pourquoi on va pas plus loin? Et pourquoi on réagit comme ça? Parce que Sahaba ont réagi comme ça, et parce que Sahaba radiallahu anhu wa ardam, et le prophète alayhi sallam n'a jamais été plus loin. Il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna qui nous rappelle que les compagnons, ils ont dit, Allah a une main. Walakin sa main veut dire ceci. Car dans un autre verset, ceci veut dire cela. Allah a un visage, a une face. Walakin son visage, c'est un visage. Non, ce n'est pas un visage en fait. Ça veut dire ceci. Et ça veut dire... Qui t'a dit que tu dois réagir comme ça, ya Abdallah? Tu rentres dans un sujet très périlleux. dans un sujet très dangereux. Allah, il a un visage. Il l'a cité dans le Coran al-Karim. Allah, il a une main. Allah, il a un pied. Allah Azza wa Jalla yu al-ahibba, il ne ressemble en rien à ses créatures. C'est-à-dire que le pied d'Allah Azza wa Jalla n'est pas comme ton pied. Interdit de dire ça et de croire cela. Pourquoi la preuve de cela? Ah, il nous faut des preuves claires. Allah, il dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Rien ne lui ressemble à Allah Azza wa Jalla. Donc, mais est-ce qu'il a un pied? Oui, la preuve, Allah Azza wa Jalla, il le dit. Et dans plusieurs textes, an-nusus, on le retrouve. Comme dans un hadith authentique où l'enfer ne cessera de demander des gens, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla pose son pied en enfer. Et l'enfer dira, qat, qat, ça suffit. Allah, il a un pied. La preuve. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ نَحْنُ نَرْجُوا أَن نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الدَّلِيلِ. Nous, on espère être parmi les gens des preuves. Quelqu'un va dire, oui, mais d'où t'as... Allah, il a dit, le prophète alayhi salam a dit. D'accord, qu'il a tel nom, tel attribut. Khlas. Comment il est-ce qu'il ressemble aux êtres humains? Non. La preuve. Allah, il dit, il ne ressemble rien à ces créatures. Walakin, le pied veut dire autre chose. Ah, moi, je te dis maintenant. Donne-moi ta preuve. Pas de preuve. Ça sera que du, on a déduit. D'accord? Nous, on pense. On peut pas dire qu'Allah a un pied. Mais d'où tu sors ces paroles? Ça, c'est ilmul kalam. Ça, c'est les gens qui rentreront dans la philosophie. Comme al-ash'ariya, ou al-ash'a'ira. Ou bien al-ahbash, cela on n'en parle même pas, c'est pire. Al-ahbash carrément, ils sont rentrés dans la négation. Encore al-ash'a'ira, ici, comme ils disent les savants, c'est les plus proches de al-sunnati wal-jama'a. D'accord? Parce qu'ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jalla a des noms, a des attributs. Mais voilà qu'ils sont rentrés dans un égarement à cause de quoi? La philosophie. D'accord, oui, on reconnaît qu'il a un visage et ils ne reconnaissent pas tous les attributs d'Allah. Certains 7, d'autres 14, ala kulli hal. Et disons, on reconnaît qu'il a un visage, mais ce visage ce n'est pas un visage. D'accord? Même ils vont dire, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Il ne ressemble à rien à ces créatures, mais on ne peut pas dire que c'est un visage. Non, le visage, ça ne veut pas dire visage, ça veut dire, et qui t'a dit d'aller plus loin? Regardez, ils vont plus loin. Et on a parlé du hadith hier, avec Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand il a dit si la religion était sur la raison, la logique. Ah, on aurait fait le mas, al-khufayn, en dessous, pas au-dessus. Mais le prophète, alayhi salatu wasalam, j'ai entendu le prophète dire, et donc il rappelle que le prophète, alayhi salam, nous enseignait de faire le mas au-dessus. Khalas, on ne fait pas travailler la raison. Et de plus, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, hein. Il est au-dessus de ce qu'il, amma yasifun, de ce qu'il décrive. Il est au-dessus de ce qu'il décrive. Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle, t'as pas de description à faire, alors qu'il n'y a aucune description qui a été faite à ce sujet-là. D'accord? Ils ont interrogé l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, sur l'istiwa. D'accord? Sur l'établissement d'Allah Azza wa Jalla. On va regarder le terme en arabe, istiwa. Ici, ils ont dit, est-ce qu'Allah établit sur son trône? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Al-istiwa, ma'loum. Al-imanu bihi, wajib. Al-kayfu, majhoul. Wa-su'alu anhu, bid'a. Khalas, intaha al-kalam. Ça y est, khalas, ça résume tout. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit, l'établissement, il est connu. Pourquoi? Il est connu. Parce que Allah Azza wa Jalla en a parlé, le prophète en a parlé. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, à titre d'exemple, هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلاص, on a une preuve. Dalil, il est là. Allez plus loin. Il faut des preuves. Il n'y a pas de preuves. خلاص, سمعنا وأطعنا. T'as même pas à rentrer dans ces sujets-là. D'accord? D'aller plus loin. Parce que les sahaba, ils sont pas rentrés. Il est établi sur son trône. Point, il est établi sur son trône. Clair. Ad-Dalil, il est là. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des sept cieux. D'accord? Établi sur son trône. Il y a les preuves du Coran et de la Sunna. Tu d'exemple, ma rawahu al-imam muslim. Anna nabi alayhi salatu wa salam a qal, inna Allah kataba fi kitabin wa huwa indahu fawq al-arsh, wa huwa indahu fawq al-arsh, inna rahmati taglibu ghadabi. Le prophète alayhi salam a dit, Allah Azza wa Jal a écrit dans un livre, qui est auprès de lui, au-dessus du trône, auprès de lui, au-dessus du trône, ma miséricorde dépasse ma colère. Khalas, on a beaucoup de preuves. Donc on a les preuves claires. Eux, ils vont tenter d'expliquer de leur manière ces preuves-là. Nous, on apporte les preuves. Regardez. On apporte la preuve, nous on dit la preuve. On s'arrête là. On va pas plus loin. Eux, ils vont continuer. Non, mais en fait, ça veut dire ceci, donc on peut pas mettre Allah Azza wa Jal dans un endroit, donc on va... Qui t'a dit d'aller plus loin? Donne-moi une preuve que les sahaba, ils ont réagi comme ça. Non? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? À l'époque de sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ils n'avaient pas besoin de parler de ces sujets-là. Parce que ici, c'était clair pour eux. La science, elle était claire. Il y avait le prophète avec eux. Ils avaient un gros niveau de science. Nous, maintenant, on est obligé d'en parler parce que ici, il y a des sectes qui sont apparues. On va dire, on est d'accord avec vous. On est d'accord ou pas? On est d'accord avec vous. Sahaba, ils n'avaient pas besoin d'en parler. C'est pour ça, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il a dit quoi dans la réponse? Il a dit, l'établissement d'Allah Azzawajal sur son trône, au-dessus de son trône, il est connu. D'accord? La croyance en cela est obligatoire. Comment il est établi? Al-kayfu mashhoul. C'est inconnu, on ne sait pas. On reconnaît qu'il est établi comme Allahu a'lam. Tu ne peux pas dire, comme toi, tu t'assois sur une chaise, Allah, non. Allahu a'lam. Wassu'alu anhu bid'a. Ah. Il dit, la question en cela, c'est une innovation. Pourquoi il a dit c'est une innovation? Parce que sahaba, ils en ont jamais parlé. Ils rentraient pas dans ces questions. Mais Allah Azza wa Jal, il est établi comment dans son trône, c'est une innovation, il ne posait pas ces questions. On est d'accord. Donc nous maintenant, on va dire mon objet d'en parler, d'expliquer aux gens ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui sont arrivées, sont rentrées dans des explications qui sont erronées. En donnant des explications mauvaises, ou alors ils sont rentrés dans le tahrif, ou bien dans le ta'wil, ou bien dans ceci, dans ce... On dit oui. Mais est-ce que toi tu dois en parler, tout simplement, d'accord? Ou est-ce que tu dois en parler en rajoutant des choses? Tu dois en parler, tout simplement. D'accord? Comme l'ont compris sahaba, mais pas rajouter des choses. Donc c'est pour ça que nous on en parle. Là par exemple, sahaba, ils en parlaient pas comme nous on en parle autant. Maintenant, on en parle énormément. C'est pour ça que l'imam Malik a dit c'est une innovation. Mais on dit quoi? On rappelle aux gens la croyance des compagnons. Ils y croyaient. Sami'na wa ata'na. Ils sont pas été plus loin. Et même, nous leur disons à cela et nous leur répondons. S'ils avaient été plus loin, les compagnons, radiyallahu anhum wardahum, ça veut dire qu'ils en auraient parlé beaucoup. S'ils en avaient parlé beaucoup, on aurait eu beaucoup de traces sur ces paroles-là. D'accord? Et l'imam Malik, il aurait pas dit, as-su'alu anhu bid'a. D'accord? Donc ici, ils en ont pas parlé, on s'arrête là. Et ici, si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Donc ici, dans l'aqidah, le groupe sauvé, ils suivent la bonne aqidah. Ils tombent pas dans des sectes égarées. Quand tu vois qu'une personne a une bonne aqidah, dans, ici, l'unicité, d'accord, de la seigneurie, dans at-tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya, d'accord, et tawhid al-asma'i wa sifat, sache que c'est un critère ici de al-sunnati wal-jama'a. Et ça, on en parlera dans l'aqidah. On a déjà fait le livre ici des 200 questions, réponses de l'imam al-hakim, ici, al-hafidh, al-hakami. Ici, on en a parlé longuement, on a fait des mois de cours sur ce livre-là. Walakin bihawlillah azza wa jalla, inshallah ta'ala, quand on finira les cours sur Asharatu Sa'a, on reprendra encore une autre fois un livre de aqidah, inshallah ta'ala, bihawlillah azza wa jalla, et on en parlera encore dans les détails. Et comme je vous ai dit, je vais préparer un cours rapide de 45 minutes, une heure, sur toutes les, sur les groupes égarés, comme ici, al-ahbash, al-mu'tazila, al-jahmiya. Je vais faire un résumé en un seul cours pour que ça soit compréhensible pour tous et toutes, comme je vous ai dit, dans ces prochains jours, bihawlillah azza wa jalla. Concernant al-ibadat, les adorations, comment elles réagissent? Donc on est clair, ça veut dire al-sunnati wal-jama'a, comment tu veux les reconnaître? Ils ne sortent pas de qala Allah wa qala al-rasul bifahmi salafi al-umma. D'accord? Et dans al-ibadat, pareil. Quand ils vont prier, ils ne vont pas ramener des choses bizarres. Ou ils vont pas, non, ils vont être scrupuleux quant au suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Tout simplement parce que le prophète a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est le prophète qui l'a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi à vos rites du pèlerinage. Le prophète, il a dit, donc il nous a dit, attention, quand vous priez, priez comme moi. Quand vous faites votre pèlerinage, faites le pèlerinage comme moi. Quand tu donnes zakat comme le prophète l'a enseigné. C'est-à-dire, ils sont scrupuleux à la sunna et ils s'éloignent de ce qui va à l'encontre de la sunna, c'est-à-dire, al-bid'a, les innovations. Ma uhditha ba'da mawti an-nabi alayhi salatu wassalam bi qasdi at-ta'abbud laysa 'alayha dalil min kitabillahi 'azza wa jalla wa la min sunnati rasulillahi alayhi salatu wassalam. Ça, la bid'a. C'est-à-dire tout ce qui est venu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam en ayant la volonté d'en faire un acte d'adoration alors qu'il n'y a aucune preuve du Coran et de la sunna. Toujours quand il parle avec le prophète a dit, Allah a dit. Ils apportent des preuves. Donc tu vas le voir prier comme ça. Mon frère, pourquoi tu pries comme ça? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, comme il y a dans le hadith al-sahih, quand il priait, il faisait al-qabd, il mettait sa main droite, ala al-yusra, ala sadri, comme il y a dans le sahih, sur sa poitrine. Donc quand il va faire des actes d'adoration, il apportera des preuves, tout le temps, et des preuves authentiques. Ça, tu vas reconnaître, bihawlillahi azza wa jal, le groupe de al-sunnati wal-jama'a. Et ils agissent avec sincérité et avec conformité. Parce qu'une action n'est acceptée que si tu es sincère. D'accord? N'importe quelle action, elle peut être acceptée que si tu es sincère et si elle est conforme à la législation. D'accord? À ce moment-là, l'action, elle est acceptée, sinon elle est obligatoirement rejetée. Automatiquement, elle est rejetée. D'accord? Donc, ils sont scrupuleux quant à où ils font très attention à être sincères, quant au fait d'être sincères. Donc c'est-à-dire ils ne se vendent pas, ils ne crient pas sur les toits « je suis, je suis, je suis ». Non, ils sont scrupuleux quant à la sincérité, ils font très attention à être sincères. Et al-mutaba'a, ils cherchent toujours. Donc pour être conforme à la sunna, il faut toujours avoir de la science. Donc ils apprennent beaucoup. Tu verras qu'ils sont accrochés beaucoup à la science religieuse. Ils sont beaucoup accrochés au cours de tawhid, au cours de fiqh, au cours de ou au rappel concernant le comportement al-akhlaq. Ils aiment la science religieuse. Ils s'éloignent pas de la science religieuse. Ça c'est le deuxième critère de al-sunnati wal-jama'a de façon très brève. Concernant leur troisième critère, on a parlé de quoi al-akhlaq. Comment tu vas les reconnaître? Ils ont une bonne aqida. Ils suivent le prophète dans les actes d'adoration. Donc tu verras que pour ça, ils apprennent beaucoup la science. Ils aiment la science religieuse. Et ils ont un bon comportement. Ça fait partie des critères de al-sunnati wal-jama'a, de ce groupe sauvé, des gens qui s'accrochent à la sunna et au groupe, qui sont, bi-idnillah azzawajal, parmi les gens qui auront le visage illuminé. يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ. N'oubliez pas ce verset coranique où Abdullah ibn Abbas a dit فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُمْ فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Abdullah ibn Abbas, plutôt il a dit radiyallahu anhuma, ceux qui ont le visage illuminé c'est qui? Le groupe de al-sunnati wal-jama'a. Et les autres assombris, ce sont les groupes de quoi? L'innovation et de l'égarement. Donc ici ils sont scrupuleux quant au comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Tu les remarques de par leur bon comportement. C'est-à-dire, quand tu les vois marcher dans la rue, quand tu les vois parler, quand tu les vois apprendre la science, quand tu les vois ici se comporter avec toi, avec leur famille, avec leurs parents, avec les frères, avec les gens égarés, avec, tu as l'impression de voir, ce n'est pas lui, mais tu as l'impression de voir Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le comportement, dans l'exemple, dans le prophète alayhi salatu wassalam, un excellent exemple. Donc, ils sont scrupuleux quant au suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans ses moralités. Donc, ils réagissent comme le prophète alayhi salatu wassalam, ils réagissaient, ou alors du moins, ils s'efforcent à réagir comme le prophète alayhi salatu wassalam réagissait. Ils sont d'un abord facile. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé l'importance du comportement et il dit ici, مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection. Rien de plus lourd, rien que quoi? Les bonnes moralités, le bon comportement. Donc ils se font aimer, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, ici, d'une grande majorité de musulmans. D'une grande majorité de musulmans. D'accord? Même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, etc., voilà qu'ils agissent toujours avec un bon comportement avec eux. D'accord? Avec un bon comportement avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent l'égarement. D'accord? Mais si ils parlent avec une personne, et il n'est pas d'accord avec lui sur une question de jurisprudence par exemple, d'accord, et la personne a apporté ses preuves, ce n'est pas pour autant qu'il va ne plus vouloir parler avec lui, ou il va avoir de la haine envers lui, ou il va, tant qu'il reste dans l'enceinte de quoi? Ahl sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna et de la jama'a, ils divergent dans des questions où il y a le droit de diverger, parce que des deux côtés on a des preuves du Coran et de la sunna, bi fahmi salaf al umma, il y a une divergence entre grands gens de science, ce n'est pas une cause de problèmes ou de conflits entre eux. Je ne parle pas de, ils réagissent toujours gentiment, même avec une personne qui veut faire le fitna et la division dans la communauté. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Afsa al-Bukhari, il a dit toute personne qui vient et qui veut diviser entre les musulmans, faqtulu, tuez-le. Hadith sahih. Attention. Ça ne veut pas dire que moi je vais tuer, ou j'incite au meurtre, ou l'autre va tuer. Non. Il y a des hadiths qu'il faut pas prendre au premier degré. Il y a des hadiths où il y a eu des explications des savants. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam montre la gravité de ce comportement qui est de vouloir faire al-fitan, les troubles, répandre les troubles ou la division dans la communauté. C'est-à-dire, la moindre des choses, agit d'une certaine façon avec lui. Comme le prophète a réagi avec des compagnons qui ont réagi d'une façon qui n'était pas conforme à la législation. À titre d'exemple, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, wa huwa man huwa, wa huwa min, afdal al-sahaba, ça fait partie des meilleurs des compagnons. Il fait partie des meilleurs des compagnons, Ka'b ibn Malik, avec les deux qui sont restés en arrière lors de laquelle raswa Tabouk. Et le prophète alayhi salam, est-ce qu'il les a mis en quarantaine? Il les a mis en quarantaine. Pourquoi? Ils ont réagi d'une façon qui n'était pas, pourtant c'est un compagnon, en quarantaine. Jusqu'à ce qu'à un moment, il leur a même interdit à leur épouse d'avoir des rapports avec eux. Ils ne faisaient même plus ici, même le commerce, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu anhum ardhahum, le prophète alayhi salam, est-ce qu'il leur disait, allez faire du commerce, rigoler avec eux, abadan! Ah, tu as transgressé. Donc ici, il y a un certain comportement. Pourquoi? Parce que ici, on ferme la porte à un grand mal. On ne parle pas des gens qui veulent faire du mal dans des mosquées, dans la communauté. Non, voilà qu'il y a des gens qui divergent avec toi parce qu'il y a une divergence, une question où tu as le droit d'avoir, t'as le droit de diverger. Parce qu'on avait dit que la divergence est de deux sortes. La divergence réprouvée et non réprouvée. On ne va pas dire que c'est un bien la divergence. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. C'est un mal à la base. Allah Azza wa Jalla dit « Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum » Ne vous disputez pas, sinon vous risquez de réfléchir et perdre vos forces. Voilà qu'il y a des divergences qui sont non réprouvées. Par exemple, ici quelqu'un va dire, moi quand je me lève de ruku', je remets al-qabd. D'autres ils vont dire, non, moi je lâche. Il y a une divergence entre savants et parmi les contemporains. Cheikh al-Albani, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Les deux ont leur preuve. Toi, tu as opté pour un avis plutôt que l'autre. Khalas, tu respectes ton frère. C'est une divergence entre savants. C'est une divergence non réprouvée. Il n'y a pas de mal. Tu restes mon frère en Allah. Je t'aime en Allah. Faut pas que ces divergences-là que je suis en train de citer soient une cause de haine entre la communauté. Abadan. D'accord? Ça, on n'a pas le droit. Donc, on agit avec un bon comportement. C'est-à-dire que tu as une bonne approche. Tu ne scandalises pas tes frères. Tu ne veux pas ici toucher à l'honneur de tes frères musulmans. Voilà. Yadou Billah qui fait partie de l'kaba'ir. Et toute personne qui essaye de scandaliser, d'accord, son frère, de chercher les défauts de son frère ici, d'humilier son frère, Allah Azza wa Jal va l'humilier, va le scandaliser, hatta fi jawfi baytika ma ja'a fi sahih. Allah va le scandaliser même s'il est au milieu de sa maison. Il est chez lui. Personne ne voit, Allah il va le scandaliser. Fa wa rabbil Ka'ba, on l'a vécu, moi je l'ai vécu. Des gens, c'est-à-dire je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est pas moi, hein, je l'ai vu. Des gens qui essayaient de toucher à l'honneur de tout le monde, wallah, Allah les a scandalisés devant des milliers de personnes chez eux, alors qu'ils étaient chez eux, et des milliers de personnes les ont vus à travers la télé. Bref, je ne veux pas citer de nom, c'est clair. Donc ici nous disons, attention, l'honneur du musulman, c'est l'honneur du musulman. Ici le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit lors de Hajja, hein, Hajjatul Wada', il a dit, il a dit quoi? Le sang, l'honneur et les biens du musulman, ils sont sacré comme ce jour, comme ce mois et comme cet endroit. C'est sacré. Tu n'as pas le droit de toucher à l'honneur de ton frère, c'est sacré. De le critiquer, de lui donner une mauvaise réputation, de toucher ses biens, de le voler ou alors de répandre son sang, ça c'est interdit, ça c'est sacré, ça fait partie des grands péchés. Tu respectes ton frère, tu respectes ta sœur. D'accord? Et ça c'est le comportement des gens de Al-Sunnati wal-Jama'a. Et ceux qui sortent de ce comportement-là, ils ont un critère en moins. Wal'iyadu billah. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide pour qu'ils puissent faire partie de ce groupe-là qui est le groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. Sinon, ils ont une grosse déficience malheureusement. Et s'agissant des transactions, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit ce groupe traite les gens avec toute sincérité et transparence. Et il cite le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les commerçants ont le temps de se décider tant qu'ils ne se séparent pas. S'ils sont sincères et francs, leur transaction sera bénie, mais s'ils mentent et cachent les vices, les défauts, leur transaction perdra sa bénédiction. Ah, il dit même dans les transactions, ils sont honnêtes, droits. Man rashana fa laysa minna, celui qui ne trompe fait pas partie des nôtres. Il dit même dans les transactions, les gens ils croient que c'est que avoir la barbe, le qamis, ou bien l'autre s'appelait tablir, ou bien, c'est un tout, al-sunnati wal-jama'a, la bonne aqida, al-ibadat, al-ilm, al-akhlaq, et al-mu'amalat, même dans tijara, Cheikh Al-Uthaymin ici, tijara. Et combien, Allah al-musta'an, c'est pas ils sont sortis de al-sunnati wal-jama'a à cause du commerce. Sorti peut-être de la religion, wal'iyadu billah. Certains, na'am. Fa wa rabbil Ka'ba, il y en a qui sont tombés dans le fait de travailler avec des sorciers à cause du commerce, pour soi-disant avoir plus d'argent. D'autres, ils sont amenés à mentir en jurant sur Allah Azza wa Jalla de jour comme de nuit, ça fait partie de le kaba'ir. D'autres, ils sont tombés dans les grands péchés. D'autres sont sortis de l'islam à cause du commerce. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, quand il se renseignait sur une personne, il a dit, qui connaît un tel? Une personne a dit, nous, on le connaît. Il a dit, khlas. T'as voyagé avec lui? Il dit, non. T'as eu déjà des relations commerciales avec lui d'argent? Ah, l'argent. C'est déjà, il y a eu déjà des questions d'argent entre vous? Non. Tu le connais pas, toi. Tu vas me renseigner sur quoi? T'as pas voyagé avec lui, t'as pas fait de commerce avec lui. Comment tu veux le connaître? Radiyallahu anhu wa arda. Et c'est pour ça que, ici, nous disons, c'est une réalité les paroles de Omar. Tu veux connaître vraiment une personne. C'est pas simplement quand tu le vois une heure ou 10 minutes dans la journée, mashallah, il est sorti de chez lui, il a mis son beau kamis, et il est arrivé à la mosquée, il se sent bien, tu le vois 10 minutes, bon comportement, qala Allah, qala Rasul, il repart. Non. C'est quand il y a les tempêtes, quand il y a les problèmes, quand il y a le faqr, la pauvreté, quand il y a la fatigue, quand il y a les gros problèmes. Là, tu vas voir comment il est. Et là, Allah Azza wa Jal va montrer sa vraie face. Est-ce que c'est une personne qui est sincère? Est-ce que c'est un frère comme il se doit? Ou est-ce que c'était simplement, comme on dit, zwaq dans le Darija? Ici, c'est simplement de l'ornement ou alors de la décoration. Et pourquoi on dit le commerce? Parce que vous savez très bien que le prophète Hassan a dit shiqqatun min al-adhab, ici le commerce, ou plutôt à fond le voyage, c'est une partie du châtiment. Le prophète Ali Soussam qui l'a dit, c'est pour ça qu'il dit quand vous faites un voyage, précipitez-vous quand vous avez fini vos affaires de rentrer chez vous. Parce que le voyage, ça fatigue. Le voyage, ici, on parle d'argent dans le voyage aussi. Le voyage, c'est éprouvant. Le voyage, c'est dur. Et quand vous voyagez, et ici, il suffit de voir les gens dans le hajj, dans le pèlerinage, c'est dur, t'es fatigué, t'es épuisé. Et c'est là où tu vois les gens. Ah, dans ces moments-là, ces moments difficiles, là, ah, chasser le naturel, il revient où? Au galop. Pire qu'au galop, il vole, gars. Ici, tu vois la personne, vraiment sa vraie personnalité. C'est à ces moments-là que tu vois la personne. Ou alors dans des moments où il y a quoi? Où il y a de l'argent. Est-ce qu'il va être dépassé? Ah, il va perdre beaucoup d'argent. Ah, est-ce que je dois mentir pour ça? Ouais, mais ah non, ma famille, je dois les nourrir. Ouais, mais si je dis pas la vérité, si je dis la vérité, je vais perdre ce commerce-là. Ou alors dans l'argent, il t'oublie. Il a tout oublié. Ah non, mon frère, il va prendre. Non, moi, je prends avant lui, je le devance. C'est dans ces deux sujets-là. Ou parmi les sujets principaux dans lesquels tu peux voir vraiment si un frère est un frère comme il se doit, parmi les sujets principaux, ici c'est quoi? Le voyage et le commerce. Et rajoute bien sûr à ce qui t'est bénéfique, et parle souvent de la religion. Donc ici tu regardes le commerce et le voyage, dans les transactions, dans l'argent, est-ce qu'il reste ferme dans sa religion, il n'est pas dépassé, voilà, yadou billah. Et ici dans les voyages, c'est-à-dire quand il est fatigué, quand il est épuisé, quand il y a des problèmes, quand il y a des gros problèmes, est-ce qu'il t'oublie ou est-ce qu'il reste auprès de toi? Combien de frères ont dit je suis avec toi, il a eu un gros problème le frère, Allah y'aoun, moi j'ai rien à voir. Et ça existe ou pas? Ça existe. Même les gens qui sont pas dans l'islam, ils détestent ce comportement. Ils diront, ça c'est pas un bon comportement ça. Mais dans l'islam, que dire? Un musulman, c'est le frère du musulman. Ici, tu dois le soutenir du début jusqu'à la fin. Et tu dois avoir des convictions religieuses du début jusqu'à la fin. Et c'est à ce moment-là, et particulièrement dans le commerce aussi, comme j'ai dit dans le voyage aussi, que tu vas reconnaître les croyants. Et ici, Cheikh Al Uthaymeen donne l'exemple du commerçant, il donne un autre hadith, ou plutôt, on apporte un autre hadith rapporté par le Bukhari selon Jabir. Il dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Rahim Allah, qu'Allah fasse miséricorde. Ici, à un homme qui est sahlan idha ba'a, wa sahlan idha ishtara, wa sahlan idha qtada. Un homme qui est facile, indulgent. Facile, ou samhan. Ici, facile, quand il vend, quand il achète, et quand ici, quand quoi? Quand on lui doit de l'argent. D'accord? Quand on lui doit de l'argent, il est facile. Il est pas dur. Quand il veut acheter le moins cher tout le temps. Et il va même dans l'exagération. Il négocie, il sait déjà qu'il est, il arrivait, il a acheté une marchandise vraiment à un prix très très bas. Et quand il vend, tu peux pas lui attirer un euro. Et il vend très très cher. Il est ma'assam. Il est dur. Quand il achète et quand il vend. Exagéré. Et quand on lui doit de l'argent, Wallah, il te laisse même pas une seconde de répit. Je ne parle pas des gens qui, ici, abusent dans les crédits. Voilà, Iyadou Billah, il demande son dû. C'est son droit. Mais ici, juste la personne, il va lui dire, laisse-moi un délai, s'il te plaît. Il a pas, et lui, il est, mach'Allah, là-bas, ça allait. Il veut rien entendre. Il est très dur, Wallah, Iyadou Billah. Donc ça, c'est pas le comportement du musulman. Non. Alors, le prophète Hassim, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est facile quand il achète. Quand il vend, et quand il réclame ses dettes. Donc s'il dit ça, c'est qu'il mérite la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal. D'accord? Ce qui est à l'opposé de la malédiction d'Allah, Azza wa Jal, c'est que c'est une personne qui est dotée d'un bon comportement. Clair? Et est-ce que tous ces défauts, ici, dans ces qualités, ou des défauts dans ces qualités, excluent la personne du groupe sauvé? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, le fait d'avoir quelques défauts dans ces qualités-là, n'exclut pas les personnes appartenant au groupe sauvé, mais à chacun son niveau, selon son œuvre. C'est pas parce que tu as des défauts dans une de ces quatre qualités, que tu fais plus partie du groupe sauvé. Cheikh Al-Uthaymeen, il le dit. Mais il y a défauts et défauts, grands défauts. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dire, non, je reconnais pas les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ou bien, je travaille avec les sorciers qui travaillent avec des djinns pour tomber dans la sorcellerie et dans le kofr. Ou bien, moi, je l'égorge par autre... Non, ça, c'est des gros défauts, ça. Il sort de l'Al-Sunnati wal-Jama'a. Ça, on n'en parle pas. D'accord? Ici, par exemple, dans l'ibadat aussi, des gens qui vont rentrer dans des gros sujets. Tu vas lui montrer, écoute, mon frère, Salat al-Dhuhr, tu dois la faire à 4 rak'at. Il va dire, non, moi je vais la faire à 5 rak'at. J'exagère. Donc c'est clair. Il va, non, moi je veux pas. Ou bien il va faire une innovation claire. C'est une innovation claire. Et lui persiste et il appelle les gens à faire ces innovations-là et plusieurs innovations. Ça c'est clair. Ça c'est un innovateur. Je parle pas dans des sujets de divergence où c'est permis la divergence. Et pareil dans le comportement. On n'est pas parfait. Quelquefois tu as des déficiences dans le comportement, quelquefois tu te comportes peut-être mal, quelquefois tu dis une mauvaise parole, quelquefois tu as des déficiences, ou voilà, de façon générale, alhamdoulilah, tu fais des efforts pour avoir un bon comportement. Masha'Allah. Ici, bi'idnillah azza wa jal, ça ne fait pas de toi une personne qui sort du groupe sauvé. Donc ici, biljumla, de façon résumée, nous disons nous devons adhérer bi'idnillah azza wa jal au groupe sauvé, Ahlus Sunnati wal Jama'a. On a expliqué l'origine du terme al-sunnah, l'origine du terme al-jama'a. Qui sont Ahlus Sunnati wal Jama'a d'après les preuves du Coran et de la Sunna bi-fahmi salaf al-umma? Et nous avons dit ayyuhal ahibba qu'ils ont quatre qualités principaux qui les différencient des autres groupes. Et on a dit qu'ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam. Sans ajout, sans rentrer dans la philosophie, sans rentrer dans je pense, sans rentrer dans je vois, mais en restant ferme au livre d'Allah et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam bi-fahmi salaf al-umma dans l'aqidah. Et aussi dans l'ibadat, les actes d'adoration. Et aussi dans l'akhlaq, dans tout ce qui concerne les comportements, les bonnes moralités. Et aussi dans les transactions, ou bien al-mu'amalat de façon générale, les transactions, même dans tijara, dans le commerce, c'est des gens honnêtes, c'est des gens droits, ils cachent pas les défauts, wal-iyadu billah. Ils sont faciles quand ils vendent, faciles quand ils achètent, faciles quand ils réclament leurs dettes. Ce sont des gens honnêtes et droits. Ça, c'est les critères du groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. Et celui qui a des déficiences dans ces quatre qualités, il ne fait pas partie des personnes qui sortent automatiquement du groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. C'est-à-dire, ceux qui ont été cités dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ, le jour où des visages seront illuminés et des visages seront assombris, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Ceux dont leur visage sera illuminé, ce sont les gens de la sunna et du groupe. Et ceux dont les visages seront assombris, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, seront les gens qui auront été parmi les innovateurs, c'est-à-dire les gens de l'innovation et de l'égarement, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc nous disons, ce n'est pas simplement être ferme dans l'aqida qui fait de toi une personne de Al-Sunnati wal-Jama'a. C'est le comportement, c'est les transactions, c'est ici Al-Ibadat, et c'est Al-Aqidatu Sahiha. Et ces gens-là, on a dit, comme il a dit Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, ce sont des gens qui sont quoi? Qui ont de la science, Al-Ilm. Qui ont une bonne approche, qui sont faciles, et qui sont ici, qui agissent avec hikmah, avec sagesse. Et c'est pas des gens qui prennent la fuite, même quand ils se retrouvent devant des sectes égarées ou des égarés parce qu'ils ont un manque de science et de bonne approche et qu'ils ne veulent pas rentrer dans les débat religieux avec ces personnes-là. Non, ils n'ont pas de complexe, ils ont de la science, c'est une bonne approche qui fait que les gens veulent les écouter, qu'ils écoutent les gens et qu'ils débattent avec science religieuse, avec une bonne compréhension de la religion comme l'ont compris as-sahaba radiyallahu anhum. وأرضاهم والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.